non y'a rien pour toi. Dans la ville sur un caisse tu crois. Parce que je raconte tu sais pas qui. Toi tu bosses mon poteau bel et que t'es mieux que moi. Dans la jupe c'est pas trop la joie. Alcoolique ça s'encule le foie. Paranoïaque ça se croit dans un film. Ça se quitte la noche ça se tire au doigt. Grosse pensée au Rocky Cantine. Ceux qui parlent cantonnent les repentis dans le jean. Grosse force aux mamans qui galèrent. Grosse force aux frangins sans repère. En force la pyramide c'est pas d'hier. L'instinct d'un animal une folie meurtrière. Pété sur GSXR en IA, oui, depuis le primaire. Je la houille la nuit sous effet secondaire. La 8, la 6, 9, bah c'est légendaire. Amnésia, que je suis critical. T'es un schlag et ça m'a ravitaille. Une descente, tu prends pas la fuite. Et c'est par la suite, t'apprends quand j'avicaille. Non, j'avicaille. J'ai tourné au petit dépôt. La street jusqu'au J0. T'as tout fumé, mon poteau. Il fonctionne même plus ton cerveau. Envoie-moi la prime, ta graisse, tes stress, arrête vite ta clim. En stress, caresse-moi, évite la mise. Décline, j'admire celles qui font la gym. Qui sera mèche pour un 10. Qui ponce les frères en crise. Qui promet mais jamais elle t'assiste. Pour celles qui sont vraies auprès de leur mère assise. Les vraies personnes maintenant elles sont rares. Nicolas Sonny devient tout noir. Ça joue perso, ça partage pas. Hypocrite dans le rap, y'a beaucoup de bâtards. T'as rien fait, t'as dit ça mon poteau, moi je sais. Tu prends rien mais t'as le nez plein de chier. Ils sont comme ça, c'est ça les rappeurs. En place rue, tu mets le compte, il est froissé. C'est des grosses tapettes au quartier. Pour l'image, ils se la donnent à mort. Ils sortent pas de la messe en papier. Par peur, se faire reprocher le moindre tort. De ta cellule, snap le mirador. À l'hôtel, que des corps à corps. À la messe, tu fais pas d'effort. C'est une fois que tu rentres que la daronne, elle dort. Moi, c'est dit, je penserai tout l'hiver. J'hiberne au studio, ouais, comme ça, c'est clair. Je me mélange pas au barani. Parce que ces faces de cul nous mettent des barrières. Ils nous mettent des barrières. Ils nous mettent des barrières. Ils nous mettent des barrières. J'ai tourné au petit dépôt. La street jusqu'au J0. T'as tout fumé mon poteau. Il fonctionne même plus ton cerveau. J'ai tourné au petit dépôt. La street jusqu'au J0. T'as tout fumé mon poteau. Il fonctionne même plus ton cerveau. T'as tout fumé mon poteau. La street au petit dépôt. J'ai tourné au petit dépôt, la street jusqu'au J0. T'as tout fumé mon poteau, il fonctionne même plus ton cerveau. J'ai tourné au petit dépôt, la street jusqu'au J0. T'as tout fumé mon poteau, il fonctionne même plus ton cerveau.